Exponent 82 avec le phénomène Stanley Murphy. Oh, mini mignon. C'est parti. Tout à l'heure, vous les aimez bientôt. Epo epo ne o, base lato babu mo, base kashe babu me pe o, namba ibu kien sheti o ye. Se atuta ne, wole se me mento, namba ibu ma pa me la ye, aye se de se me kipo bobo. Se atuta le o, se koko nyanko, se pa wo wo buda me jo, pa wo ne wo ane wo. Se atuta ne, wole se me mento, namba ibu ma pa me la ye, aye se de se me kipo bobo. Mais je suis né, même je suis on a pensé à baliser. Baliser même que je vais se bouger. C'est à tout à l'heure, pour les événements, tout va bien. Pour ma femme, elle a eu un peu de temps. On a pensé à baliser. Wow, wow, baliser. Baliser même tout. On a eu un peu de temps. C'est à tout à l'heure, pour les événements, tout va bien. Pour ma femme, elle a eu un peu de temps. Aye se le tema kipe bobo. Meme kebes bo, se an tuta le ma pamela yo. Aye zo, aye zo. Aye zo le zeme yon ti bebe bobo ye. Se an tuta le, duwe. O le zeme me to, name bo ma pamela ye. Aye se le tema kipe bobo. Se an tuta le o, se koko nyanko. Se mba wo, wo buda mejo, ba wo ne wo, ane wo. Se an tuta le, o le zeme me to. Mais si quelqu'un n'est pas, même un chauffeur du doux, on n'a pas savoir par la mer, par les mêmes mecs qui avaient si bon nez. C'est à tout à l'heure, pour les mêmes tours, la mer pour ma pamela, aïe, c'est le terrain qui va bobo. Hey, Merci Jean. Vous avez un péché qui est plus mon nom. Il y a un nom qui est plus mon nom. Bejeke wase bipo Amano Bejeke pile pio Eche ye ye meseo Baba ma bio Zon leze ba o bio Baba ma bio Zon leze ba o bio Baba ma bio Zon leze ba o bio Bejeke wase bipo Amano Bejeke pile pio Eche ye ye meseo Baba ma bio Baba ma bio, don't let it go. Baba ma biyo, don ni ziba o bi tube o. Baba ma biyo, don mi ga ni ziba o bi o ni. Beje ke wa se biko, amalo. Beje ke bi le biyo, ento ye ye me se o. Baba ma biyo, don ni ziba o bi o. Meji wa beje ke bi pon, don ke ba meji ka pe o. Ye me ke ya se, mule ka me tube o. Beje ke wa se biko, amalo. Baba ma biyo, baba ma biyo, baba ma biyo, ojomi ga lezi ba obi bayo. Beje ke wase bibo, amalo. Beje ke bile biyo, ete ye ye mese o. Baba ma biyo, so lezi ba obi o. Ama bife, meno fe bize me kiyo. Ama fosun o, meno no jo no bize me o. Beje ke wase bibo. Amalo, beje ke bile biyo, ento ye ye mese o. Baba ma biyo, so lezi ba o biyo. Yeah.